Chapitre 12e. Journée de printemps. Depuis plus de 3 mois, Maurice avait disparu, et ni Mazuras, ni Liénard, ni Charvet, ni aucun de ceux qui avaient des relations avec lui, habituelles ou de hasard, ne pouvaient donner de ses nouvelles à Martel. On était au milieu de mai, et pour la première fois depuis leur promenade à Saint-Germain, Armand et Martel se trouvaient avec Victorine à la campagne. Jusqu'à ce moment, elle avait toujours eu des raisons pour rester à Paris. Avril avait été froid, et les premières semaines de mai si pluvieuses qu'il en était résulté de terribles inondations. Mais depuis 2 jours, la bataille du soleil et des nuages avait cessé. Il semblait que le ciel s'était lavé de toutes ces souillures sur la terre qui les avaient absorbées. Il avait été convenu que de la station de chemin de fer où l'on arriverait, on gagnerait à pied celle d'où l'on repartirait. Ils étaient descendus à Ris, et par des chemins charrois, ils devaient couper à travers la forêt pour aller à Brunois. En inclinant un peu sur leur droite, ils trouveraient une auberge. C'était une course que Victorine pourrait, dans toute une journée, faire assurément sans fatigue. Après ce mauvais temps, qui avait duré plusieurs semaines, la chaleur tombant brusquement sur une humidité diluvienne développait dans les bois une fougueuse végétation. Les trembles et les bouleaux montraient déjà de vigoureuses frondaisons, s'entremêlant aux rameaux plus tardifs des chênes qui n'émettent encore que de petites feuilles à peine déplissées. Sous les arbres, les herbes hautes et drues foisonnaient, et des fleurs odorantes s'ouvraient jusqu'au bord des ornières transformées en mares. Dans les profondeurs ombreuses des taillis, on entendait des battements d'ailes, des chants et des cris d'oiseaux. Au milieu des sentiers marchaient des troupes d'insectes. Ouvriers inconnus se hâtant vers de mystérieuses besognes. Entre la rangée des arbres et des buissons qui formaient le chemin montait une légère brume transparente. Ces bois, comme il arrive dans les contrées fertiles où le paysan ne veut pas perdre de bonnes terres labourables, étaient coupés de plaines cultivées. Là aussi la nature regagnait le temps perdu. Les seigles entraient en floraison et de leurs épis barbus sortait une vapeur chaude. Partout, excepté dans les champs de blé qui n'étaient encore que des champs d'herbe, les yeux ne rencontraient que des fleurs. À côté des longs sillons de trèfles rouges ondulant en bagues de feu, s'étalaient des colzas en éblouissants carrés d'or et les luzernes. Au loin, çà et là, des groupes de pommiers neigeaient dans l'air. Les alouettes chantaient et pointaient droit dans l'azur. « Que la campagne est belle, dit Armande, et que sont heureux ceux qui y vivent toujours. » « Ce bonheur pourrait être le vôtre, répondit Martel. Puis tout de suite, comme s'il en disait plus qu'il ne voulait. « Si les gens qui se croient les sages, reprit-il en riant, voyaient notre contentement, ils diraient que nous sommes livrés à des instincts animaux. » Les bois reprirent plus haut et plus épais. Des lapins broutant les pousses dans les clairières, un chevreuil traversant tranquillement le chemin, annoncèrent qu'on s'éloignait des habitations. Victorine se fatigua si bien à courir après les papillons et à cueillir des fleurs aussitôt abandonnées pour en cueillir d'autres, qu'elle arriva brisée de fatigue à l'auberge où l'on devait dîner. « Comment gagnerons-nous Brunois ce soir ?» dit Armande un peu inquiète. « Le père Blanchard nous conduira dans sa petite carriole. » Victorine promit de ne pas être fatiguée après le dîner. Mais, au dessert, elle s'endormit sur sa chaise. Alors, comme il devenait assez difficile de faire 4 ou 5 kilomètres en portant un enfant endormi ou en le traînant si on le réveillait, il fut décidé qu'on ne rentrerait pas ce soir-là à Paris. L'auberge était propre et très convenable pour une nuit. « Vous pourriez coucher Victorine, dit Martel, et si vous n'êtes point lasse, je vous mènerai dans le bois, pas bien loin d'ici. Vous verrez la combe qui m'a servi pour faire mon grand tableau de cette année. » La fille de la mère Blanchard restera auprès de l'enfant. Vous pouvez avoir pleine confiance en elle. Pendant tout le temps que j'ai demeuré ici pour mon étude, j'ai pu l'apprécier. C'est une excellente fille qui fera exactement ce que vous lui direz. Armande était assez peu disposée à abandonner Victorine à la garde d'une étrangère. Mais, sollicitée par la beauté du soir et rassurée par les paroles de Martel, elle se laissa tenter. Une cavée rapide et caillouteuse qu'ils prirent à 300 ou 400 pas de la route les conduisit en peu de temps à cette combe. Une déception les y attendait. Cette partie de la forêt venait d'être mise en coupe. Les taillis étaient abattus, les chênes, couchés sur la terre, étaient dépouillés de leur écorce. Dans le crépuscule vaporeux et cuivré, on ne voyait entre les tas de fagots et de bourrées que quelques baliveaux restés debout. « Les critiques seraient bien attrapés, dit Martel, s'ils voulaient comparer mon tableau à la nature. « Ma pauvre combe, voilà tout ce qui reste. Ce n'était pas la peine de vous exposer à gagner une entorse dans la cavée pour voir cette ruine. Nous n'avons plus qu'à nous en aller, à moins que vous ne veuillez attendre que la lune qui commence à se montrer nous éclaire pour rentrer. » Ils s'assirent sur un arbre renversé. La lune, en se levant, transfigura l'espace dénudé qui s'étendait devant eux. Les troncs des chênes jetés à bas et pelés depuis les racines jusqu'aux branches apparurent, frappés par la pâle lumière de la lune, comme d'énormes serpents roux dormant dans l'herbe. Les arbres isolés, les monticules, les tas de bois projetèrent sur le gazon de grandes ombres. Au loin, au-dessus des fonds, se forma un léger brouillard duquel émergèrent immobiles les têtes rondes et noires des arbres. La transition du jour à cette nuit lumineuse avait été si peu marquée que la vie animale ne s'était pas endormie. Des tourterelles roucoulaient, et dans les herbes, dans les mousses, on entendait des froissements de feuilles sèches remuées par le passage d'insectes invisibles. Ils restèrent longtemps assis, charmés par la sérénité du soir, causant comme s'ils eussent été dans un salon. Mais peu à peu, la nuit, avec ses impressions, pesa sur leur cœur déjà molli par les excitations de la journée, et troublé aussi par l'enivrante odeur de la sève nouvelle, par le parfum des feuilles et des fleurs. Les paroles se présentèrent moins naturellement à leur esprit. Ils restèrent parfois des minutes entières à regarder le ciel et les profondeurs bleues, où les étoiles, éteintes par la splendeur de la lune, scintillaient à peine. Armande voulut rentrer, alors il se leva et se posa devant elle. « Je n'ai rien fait, dit-il, pour préparer les circonstances qui nous mettent seuls en tête à tête, mais je veux en profiter. Je veux avoir avec vous un entretien qui décidera de notre vie et que je serai mal à l'aise pour reprendre entre les murailles d'une chambre. « Je vous en prie, dit-elle d'une voix éplorée. En acceptant de venir ici, il m'a semblé qu'il y avait de vous à moi un engagement d'honneur de ne rien dire de ce que je ne dois pas entendre. » Elle voulut se lever. Du geste, il la força à rester assise. « Il y a, dit-il avec véhémence, il y a des heures uniques dans la vie. Celle qui s'écoule en ce moment dans cette solitude silencieuse en est une pour nous. Laissez-moi parler, et ne craignez point d'entendre des paroles qui seront aussi pures que cette nuit si sereine. Je vous aime, Armande. » À ce mot, elle tendit ses bras suppliants, puis, voyant qu'elle ne l'arrêtait point, elle se cacha la tête entre les mains. « Je vous aime, reprit-il, l'heure est venue de le dire. Je vous aime depuis le jour où je vous ai vu pour la première fois, où je suis arrivé à Plorac. Je crus alors que le sentiment que je commençais de ressentir et qui me portait vers vous était sympathie, amitié. Votre mariage lui donna son vrai nom. Mais par cela même que je vous aimais, et aussi par cela que vous étiez la femme de mon ami, je devais cacher cet amour au plus profond de mon cœur. J'ai mis toute ma force. Vous ne savez pas quelles épreuves vous m'avez imposées en me prenant pour juge entre vous et lui. Je vous voulais heureuse, et votre bonheur, c'était mon malheur. Quand j'eus peur de faiblir, je m'éloignais. Je partis pour l'Italie. Vous rappelez-vous le bouquet de violettes que je repris de vos mains et que j'emportais? Ce fut ma première faiblesse. Insensiblement, elle avait relevé la tête. Il était debout en face d'elle, et la lumière de la lune le frappait en plein visage. Sa figure paraissait d'une pâleur argentée, ses yeux brillants réfléchissaient la lumière comme le teint d'une glace et lançaient des rayons. Derrière lui, à chaque mouvement qu'il faisait, couraient sur l'herbe de longues ombres noires qui grandissaient ses gestes dans des proportions énormes et donnaient aux paroles qu'ils accompagnaient une puissance mystérieuse. Il s'était arrêté, ému par cet appel aux jours écoulés. Il reprit. « Je revins près de vous, lorsque je pouvais vous être utile, et je m'employais à ce que je croyais votre bonheur. Ce n'est pas ma faute, si j'ai mal réussi. Ma seule faute, c'est de vous avoir deux ou trois fois, par un regard, par un mot, laissé deviner ce qui se passait en moi. Je vous le jure, ce fut toujours involontairement, par surprise et par faiblesse. Ce ne fut jamais sans honte ni sans regret. Mais aujourd'hui, cet amour n'est plus une offense pour vous, pas plus qu'il n'est un crime pour moi. Les liens qui me fermaient la bouche sont brisés, vous êtes libre. » « Hélas, dit-elle faiblement, vous êtes libre, reprit-il, vous l'êtes parce que vous ne l'aimez plus et parce que lui-même a rompu votre mariage. Il y a quelques années en France, dans les conditions qui vous sont faites, vous auriez pu vous marier. Dans les pays qui nous entourent, le divorce vous le permettrait maintenant. Une morale de frontière ou de saison n'est pas la morale. Vous êtes libre, vous êtes veuve, vous avez bien compris, n'est-ce pas, que si je faisais violence à votre pureté, que si je disais ce qui vous blessait, ce n'était point que je voulusse profiter des enivrements et des séductions de cette nuit de printemps. Ce n'était point pour vous parler d'une passion sans engagement. Nous sommes seuls, il est vrai, mais je parle comme si votre cher grand-père était entre nous deux. Mes paroles n'échappent point à la seule passion. Depuis longtemps, elles sont réfléchies. La fatalité nous place en dehors de la loi. Mais au-dessus de la loi, il y a la conscience, et c'est ma conscience que je vous engage. Voulez-vous que je serve de père à votre fille? Voulez-vous ma vie pour toujours, tout entière? Il avait prononcé ces dernières paroles avec une ardeur exaltée. Il s'arrêta, et comme s'il avait peur de ne pas être maître de lui, il recula, et détournant ses yeux d'Armande, il attendit. Quelques minutes s'écoulèrent. Le profond silence de la nuit ne fut troublé que par des feuilles mortes, qui, des branches auxquelles elles adhéraient encore, tombèrent dans les herbes, détachées par les feuilles nouvelles. Enfin, d'une voix brisée, « Pourquoi avez-vous parlé ? » dit-elle. « Pourquoi faut-il que je vous désespère, quand vous venez de me donner tant de joie et de me rendre si fière ?» Elle eut un moment de faiblesse et s'arrêta. Bientôt elle reprit d'une voix plus ferme, « Que ne puis-je vous croire ? Mais je ne suis pas libre, ni pour le monde, ni pour moi-même. Je ne le serai jamais pour ma fille. Un jour, elle sera le juge entre son père et moi. C'est ce que je serai alors qui lui dira ce que j'ai autrefois. Vous voyez bien, hélas, que de ma bouche aussi, les paroles sont réfléchies. » Il étendit la main pour l'interrompre. Elle continua avec un accent navré. « Soutenez-moi, ne m'entraînez pas. » Et, si elle n'eût été dans l'ombre, il eût vu couler deux larmes sur ses joues. « Puisque cet entretien était commencé, reprit-elle, qu'il aille jusqu'au bout. Nous ne nous verrons plus. Votre repos, le mien, le veulent ainsi. Après vos paroles, après les miennes, je ne supporterai point vos regards. Je souffrirai près de vous, car je n'oublierai jamais cette soirée, et je craindrai toujours de la voir revenir. » Elle se tut encore. « Vous arracherez cet amour de votre cœur, » continua-t-elle bientôt avec une fermeté douce. « Vous aurez une jeune femme digne de vous, qui n'embarrassera point votre route et ne vous forcera point à cacher votre vie en luttant contre le monde. Elle vous donnera des enfants qui pourront fièrement porter votre nom. » « Ne parlez pas ainsi !» s'écria-t-il. « C'était vous qui deviez réaliser ce rêve. C'était de vous que j'attendais ces enfants. »« Des enfants dont je ne serai pas la mère, » dit-elle désespérément. « Le voudriez-vous, et pour moi et pour eux ?» Il ne répondit point. Elle-même garda le silence. Pendant près d'un quart d'heure, ils restèrent ainsi sans échanger ni un seul mot, ni un seul regard. Elle demeurait affaissée dans un morne recueillement. Il marchait à grands pas devant elle, en long et en large. Parfois, d'un coup de pied, il cassait une branche sèche ou brisait une tige toute tendre. « Je voudrais rentrer, » dit-elle enfin en se levant. Sans répondre, il marcha lentement devant elle. Ils sortirent ainsi de la sente et gagnèrent le chemin. En arrivant au bas de la cavée, Armande s'arrêta. Elle avait autant besoin de lui dire une bonne parole qu'il avait besoin de l'entendre. « La montée est mauvaise, » dit-elle. « Les cailloux roulent sous les pieds. Voulez-vous me donner votre bras ?» Lorsqu'elle s'appuya sur lui, elle sentit que de tout son corps, il frissonnait, comme il sentit lui-même qu'elle était tremblante. Ils montèrent lentement côte à côte. Arrivés à un détour, ils aperçurent devant eux, à leurs pieds, la vallée qu'ils venaient de quitter. « Vous avez frappé sur mon cœur, » dit-il, « comme les bûcherons sur ces arbres abattus là-bas, et qui hier étaient pleins de force et de promesses. » Elle lui tendit la main qu'elle avait libre. D'un mouvement irrésistible, il l'attira contre sa poitrine, la saisit dans ses bras, et lui renversant la tête en arrière, il l'embrassa d'un long baiser. Ses deux joues furent baignées d'un flot de larmes qui jaillit des yeux d'Armande. En même temps, il sentit qu'elle fléchissait dans ses bras. Tout en la soutenant d'une main, il s'écarta d'elle. Elle revint à elle et, se redressant vivement, elle s'éloigna de quelques pas. « Vous voyez bien, s'écria-t-elle, qu'il faut nous séparer. » De chaque côté de la cave, il y avait un sentier. Elle prit l'un, il prit l'autre. Entre eux et au milieu du chemin marchait Maurice. Martel, en rentrant chez lui, trouva la carte de M. de Kergomar sur laquelle étaient écrits ces mots « Je reviendrai à 3 heures ». À 3 heures, le baron arriva. Il était plus jeune qu'il ne l'avait jamais été. Ses cheveux étaient devenus d'un noir de corbeau, ses moustaches frisaient. C'était un jeune marquis qui avait quitté son uniforme de sous-lieutenant pour faire des visites. « Je viens, dit-il, vous demander l'adresse de ma fille. »« Je pourrais vous répondre que je ne sais pas l'adresse de Madame Berthaud, » répliqua Martel. « Je ne vous crois pas, » interrompit M. de Kergomar en souriant finement. J'aime mieux vous dire, poursuivit Martel, sans montrer qu'il était fâché de ce sourire, que Madame Berthaud tient à ce que son adresse ne soit pas connue, et que je ne puis la donner. À moi, monsieur, à son père, et dans les circonstances présentes. Je ne sais de quelles circonstances vous voulez parler, et n'ai point à les juger. Je ferai part de votre demande à Madame Berthaud, qui répondra elle-même. Comment ? S'écria-t-elle. Vous ne savez pas ? Quoi donc ? Ma fille ne sait pas, est-ce bien possible ? Disant cela, il tira un journal de sa poche et le dépliant vivement. « Tenez, lisez, lisez !» Et du doigt, il indiqua Martel dans une correspondance datée de Naples le passage suivant. « Je termine en vous annonçant une bien triste nouvelle pour les arts. Monsieur Maurice Berthaud, l'auteur d'Imogène, vient de se noyer. Il était l'hôte de la princesse Stipkin qui habite la villa Carusi. Il y a quelques jours, on a trouvé ses vêtements sur la grève qui s'étend devant les jardins de la princesse. On suppose que, tenté par la chaleur du jour, il a voulu prendre un bain et qu'il a disparu dans la mer, entraîné par un de ces accidents qui arrivent aux meilleurs nageurs. Personne n'était là pour lui porter secours. Malgré toutes les recherches qu'on a faites, on n'a point retrouvé le cadavre. Jeune et plein de talent, M. Berthaud pouvait encore produire, etc., etc. » M. de Kergomar s'était penché pour suivre sur le visage de Martel les sentiments que cette lecture y marquerait. Celui-ci releva le journal de manière à disparaître derrière. Lorsqu'il le baissa, sa figure était extrêmement pâle, mais calme. « Vous comprenez, dit M. de Kergomar, que des mesures sont à prendre pour sauvegarder les intérêts de ma petite fille. Je dois être là, moi, qui maintenant suis le chef de la famille. »« J'ai votre carte, dit Martel. Je vais l'envoyer immédiatement à Madame Berthaud, et je lui transmettrai votre demande. Je ne suis pas maître de son secret. Il n'y a plus de secret. » À elle d'apprécier. Monsieur de Kergomar voulut insister. Martel se renferma dans un silence absolu, répondant seulement « Elle décidera elle-même. » Enfin, Monsieur de Kergomar partit avec cette réponse, dont il dut se contenter, et aussitôt Martel écrivit à Armande « Le journal 6 juin vous apprendra un terrible événement qui nous touche tous deux si profondément que je n'ose aller vous l'apprendre moi-même de vive voix. Dans 2 heures, je serai près de vous. » Il envoya ce pli par son domestique, et 2 heures après, comme il l'avait annoncé, il arriva rue de Montmorency. Son cœur battait fort en montant l'escalier, et avant de frapper à la porte, il essuya son front mouillé de sueur. « Je viens vous dire adieu, dit-il. Je pars pour Naples, chercher l'acte de ce décès qui vous fait libre, et bien libre, n'est-ce pas ?» Il lui tendit la main ouverte, et lui posa la sienne. Ainsi s'achèvent les époux, tome 2 de Les victimes de l'amour, par Hector Malot.